Les petits mensonges, Bobard, audio pour petits et grands. Coucou toi, tu écoutes le premier épisode des petits mensonges. La nature est pleine de mystères. Je n'ai pas les réponses aux questions que tu te poses, mais j'aime raconter des histoires aux enfants. Aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi les chiens pourchassent les chats. Il y a fort longtemps, vivaient deux sœurs. Elles vivaient dans une maisonnette dans les bois. Elles se nourrissaient de plantes, se soignaient avec les pierres, se lavaient dans les rivières et dansaient au clair de lune. J'aime à penser que ces deux sœurs étaient un peu sorcières, mais si tu préfères les fées, tu as le droit de dire qu'elles l'étaient. Elles étaient amies avec tous les animaux de la forêt, en particulier avec un beau renard qui habitait avec elles dans leur cabane. C'était à la fois leur compagnon, leur confident et leur protecteur. Où qu'elles aillent, le renard les accompagnait. La sœur aînée aimait le renard parce qu'il était fidèle et loyal. Elle appréciait son talent à la chasse et l'élégance de son long museau. La plus jeune sœur préférait la douceur du pelage roux, le velouté de ses pas sur le sol et la grâce de ses oreilles pointues. Un jour arriva où la sœur aînée tomba amoureuse d'un charpentier du village voisin. L'amour est un sentiment formidable, surtout s'il est réciproque. Et fort heureusement, il l'était. Le mariage fut organisé pour bientôt et la belle dut faire ses bagages pour quitter la cabane et sa sœur et aller vivre avec son fiancé. Les robes et les potions furent rapidement emballées. Mais une question restait en suspens. Qui garderait le renard ? « Je vais le garder avec moi », annonça la jeune sœur. « Sa maison est dans la forêt. Il vivra plus heureux à mes côtés. »« Je préférerais qu'il vienne avec moi au village », rétorqua la sœur aînée. « Je connais mal les habitants et eux me connaissent mal. J'aurai certainement besoin d'un protecteur. » Hélas, chacune voulait garder l'animal pour elle et le ton commençait à monter. « J'ai une proposition à te faire », dit la sœur aînée qui ne voulait pas quitter sa sœur en de mauvais termes. « Unissons nos pouvoirs et séparons le renard en deux. Tu garderas les oreilles pointues et le doux pelage. Quant à moi, je garderai le museau fin et la loyauté. » La petite approuvera cette idée, quoique à mon avis un peu cruelle. En un tournement que seules les sorcières et les fées connaissent, le renard avait disparu. Et à la place, étaient apparues deux créatures. La sœur aînée prit ses valises et partit au village avec la première créature au museau fin, qui lui resterait fidèle et la protégerait en cas de besoin. C'était une créature en forme de chien. La jeune sœur, quant à elle, resta dans les bois, avec la créature au doux pelage et aux oreilles pointues, qui gambaderait librement dans la nature jusqu'à la fin de ses jours. C'était la créature en forme de chat. C'est pour cela que les renards se cachent dans les bois. Ils craignent que leur essence soit divisée en deux. Et c'est aussi pour cela que les chiens pourchassent les chats. Grâce à leur flair, ils peuvent reconnaître leur moitié. Et ils essayent de la rattraper. Voilà, je t'ai raconté un premier petit mensonge et j'espère que cela t'a plu. Si oui, on se retrouve la semaine prochaine. Je te raconterai pourquoi les girafes ont un long cou. D'ici là, je t'embrasse et surtout, ne crois pas tout ce que les adultes te racontent.